Eli ni belle, ni vigira. Erika Doga sur la mise en onde, merci de nous rester fidèles. Bonsoir et bienvenue à cette édition, la toute dernière parlée en français de ce 8 septembre 2018. Tout d'abord les principaux titres. L'opposition en exil est regroupée au sein du CNRED vient de proposer à la délégation de la facilitation pour parler inter-Burundi les points à négocier lors de la 5e prochaine session de dialogue. Parmi ces points figurent le retour et la protection des politiciens en exil et les autres points principaux. C'est dans cette édition, quelques jours avant le début de la saison des pluies, les travaux de réaménagement de la rivière Gasegni, auteur parfois de dégâts dans cette localité, ont déjà commencé. Les responsables de ce chantier tranquillisent la population environnante que d'ici peu les travaux auront déjà pris fin. Et enfin, la province de Muyinga enregistrait plus de 10% de cas d'abandon scolaire pour la seule année scolaire précédente. Vous aurez les détails à travers la correspondance de Dieudonné Nzeyimana. Et le Burundi vient d'enregistrer un but face à l'équipe gabonaise dans les Jeux éliminatoires pour la Coupe du Monde. Voilà pour le sommaire. Vous n'avez pas Isanganiro ? Vous ratez l'essentiel. Bonsoir. Le retour et la protection des exilés politiques sont quelques-unes des propositions que la plateforme de l'opposition CNRED a adressées à la délégation de la facilitation dans le dialogue inter-burundais pour être soumis au prochain 5e round des pourparlers. Comme contenu dans un document de sortie ce jeudi par cette plateforme après la rencontre avec la délégation du facilitateur, le CNRED trouve que seul l'accord d'Arusha et la constitution de 2005 sont indispensables au retour à une société réconciliée. Rosine Akindavi. Selon le CNRED, la plateforme des figures politiques en exil, la lettre de l'accord d'Arusha pour la paix et la réconciliation au Burundi, ainsi que la constitution de 2005, est un préalable indispensable pour le retour à la paix et la sécurité pour tous. Dans ce document de 6 pages, le CNRED trouve que la feuille de route fraîchement signée par les politiciens à Kayanza est impartiale et propose que cette feuille de route, de même que la constitution actuelle, soit sur la table de discussion. Cette plateforme de l'opposition estime que la restauration du cadre légal garantissant les libertés politiques fondamentales, la réouverture et la réhabilitation des stations détruites en 2015, la libération des prisonniers politiques, le retour des réfugiés sont des conditions favorables aux élections de 2020. À ces conditions s'ajoutent, selon toujours ce document, la dépolitisation des forces de l'ordre, le retour et la protection des leaders politiques en exil, la réouverture des organisations de la société civile ainsi que le retour de leurs leaders. À part la Constitution, certains cadres légaux, dont le Code électoral, la Commission électorale nationale indépendante et la Cour constitutionnelle, feraient partie des points à négocier. Outre cela, le CNRED souhaite que les pouvoirs concentrés dans les mains d'un président de la République au Burundi figurent sur la liste des points à négocier. Enfin, le CNRED souhaiterait qu'un mécanisme de mise en application de l'accord, le suivi et évaluation des élections, soit mis en place. Parmi les membres de cette commission figurerait la communauté internationale, les représentants des partis en conflit ainsi que la force de protection internationale, conclut le CNRED. Merci Roselyne Akindavi. Pour rappel, le ministère de l'Intérieur, via son porte-parole, a indiqué que tout ce qui est en rapport avec les lois revient à la souveraineté du pays, avant de dire que les lois nationales ne font pas partie des points à négocier. Et le même ministère trouve que tous les partis politiques agréés au Burundi ne devraient pas être représentés au niveau de la Commission électorale nationale indépendante CENIM. C'est ce qui est dit par Terence Nahiraj, assistant du ministre et porte-parole du ministère de l'Intérieur et de la formation patriotique. C'est après que certains des présidents des partis politiques se sont indignés de n'avoir pas été consultés avant la mise en place de la dite commission suivie. Terence Nahiraj au micro de l'Anse Vitalio. J'aimerais vous dire que d'abord, il y a une certaine crédibilité qui est basée sur le nombre des membres de la CENI. Ils sont passés de 5 à 7 et cela a été demandé par les politiciens eux-mêmes lors du dialogue inter-burundais, mais également dans les 3 résolutions qu'ils ont signées, 2 à Gitega et 1 à Soudenir, ils avaient demandé à ce que la CENI soit élargie pour qu'au moins le nombre soit élargi. Et cela a été répondu par la nouvelle constitution de la République du Burundi, ce qui est déjà une très bonne chose. Le gouvernement est en train d'honorer ce qui a été demandé par la population burundaise. Et puis, deuxièmement également, j'aimerais vous dire qu'en fait, nous avons 32 partis politiques au Burundi. ce ne sont pas tous les partis politiques qui devaient être représentés parmi ces personnes. C'est impossible. Et sûrement que même parmi les frères, si on soit dit l'un et n'est pas l'autre, il peut y avoir quelques frustrations, mais qui sont terminées, bien sûr. Et c'est pourquoi, en fait, je voudrais demander d'être patient, parce qu'il y aura les commissions électorales provinciales indépendantes, il y aura également les commissions communales électorales indépendantes. Il y a là aussi les représentés. Nous avons 18 provinces. Nous avons l'espoir que lors de la mise en place des équipes de CPI et de CECI, on tiendra compte aussi des partis politiques qui ne sont pas représentés à la CPI. Sinon, quels critères pour faire le choix au sein de ces partis politiques? Pour choisir les personnes, d'ailleurs, il est préférable de dire que le chef de l'État a un pouvoir discrétionnaire de pouvoir faire des consultations à tel ou tel autre parti politique, à tel ou tel autre classe politique, et de manière discrète. Pas tous les partis politiques. Pas tous les partis, ou quelques-uns. Pourquoi? On regarde d'abord quelle est la force de chacun. C'est vrai que tous les partis politiques sont égaux devant la loi, mais ils n'ont pas la même force. En témoignent ceux qui sont au gouvernement et d'autres qui n'ont pas pu y arriver. C'est ça la démonstration de la force. Je vous informe qu'après les élections, il y a la population qui range les partis politiques selon leur force, c'est-à-dire les voix obtenues. Les résultats des urnes, ce sont ceux qui démontrent la force. Alors, en consultant également, on doit tenir compte aussi de la force des partis politiques. Souvenez-vous, mais au niveau de la loi des partis politiques, il y a une disposition qui dit que le gouvernement peut aider les partis politiques, appuyer et financer les partis politiques, à condition de tenir compte du nombre de sièges au Parlement de ces partis politiques. Il y en a, les partis politiques qui sont au gouvernement. Souvenez-vous d'Amizoria Barundi, qui nous représente à la CENI parce qu'ils sont au gouvernement. En tout cas, les constatations ont été très positives. Captez Isanganilo, écoutez la différence. Les travaux de construction de la rivière Gassaigne sont toujours en cours. Certains des habitants de la localité Charama disent être satisfaits de l'état d'avancement, mais indiquent qu'ils sont inquiets car prochainement la période pluvieuse va commencer. Joseph Kadzungu, l'un des responsables des dits travaux, tranquillise la population que ça reste 4 mois pour terminer ces activités. Il souligne que les travaux avaient été interrompus par manque de fonds, mais qu'ils ont pris les précautions pour éviter les dégâts qui peuvent se produire avant la fin des travaux. Reportage signé Anosiatan Dabarushiman. À la rivière Gassaigne, beaucoup d'ouvriers sont en train de construire la canalisation de cette rivière. Le bassin de Crétement est en début de construction. L'une des populations environnantes se dit satisfaite des travaux et craint la tombée de la pluie avant la fin des travaux. Les inquiétudes ne manquent pas parce que le débit d'eau est grande. On espère qu'elle diminuera au début de la saison pluvieuse. La pluie pourrait déjà tomber avant que les travaux en cours ne prennent fin. Sinon, nous sommes satisfaits. Le chef de ce chantier dit que les travaux avaient été interrompu par manque de moyens et fait savoir qu'il leur reste juste quelques mois. Comme vous pouvez l'observer vous-même, vous voyez que le gros des travaux est presque terminé, comme ce canal qui traverse le quartier Charama et l'autre canal, le tronçon qui est en bas de la R9, qui sont très avancés, les deux caniveaux. Donc les travaux qui viennent de démarrer, c'est les travaux sur le bassin d'écrêtement. Si tout va bien, va se terminer dans 4 mois. Vous voyez que déjà les fouilles sont terminées. Maintenant, on entame les bétons. Donc les travaux sont très, très, très avancés. On a eu un petit problème sur le déblocage des fonds de la Banque mondiale parce qu'on devait attendre que les avenants soient financés. Donc ça a retardé un peu les travaux. Et il y a aussi des plans qu'on a dû corriger. Donc tout cela a contribué à freiner un peu. La population peut être tranquille parce que vu l'avancement général des travaux qui est un pourcentage satisfaisant, précaution, on les prend si la pluie vient. On fait de petits barrages pour barrer l'eau et puis on continue les travaux qui sont dans la zone. Il n'y a pas de problème. La population demande de la rapidité de ces travaux pour éviter le dégât causé par la pluie. Merci Anosia. Tepage Éducation, les directeurs d'école doivent coopérer avec les chefs de colline en vue de bien contrôler le phénomène d'enfants qui abandonnent l'école. Cette stratégie a été adoptée vendredi à Muyinga en réunion de préparation de l'année scolaire qui s'annonce dans une province où pour l'année scolaire dernière, les responsables scolaires font état de plus de 19 000 cas d'abandon scolaire. Dieudonné Nzeimana, correspondance. Sur un total de 165 527 écoliers au cours de la dernière année scolaire, 19 091 ont abandonné l'école. C'est un peu plus de 11% de ces élèves de l'école fondamentale. Une des grandes questions préoccupant tous les partenaires de l'éducation en province Muyinga, réunis vendredi en évaluation de l'année passée et préparatif de l'année scolaire qui s'annonce. D'après Blaise Pascal Misag, directeur provincial de l'enseignement à Muyinga, la cause principale de ces abandons scolaires et l'ignorance des parents quant aux avantages d'investir dans la formation des enfants, sans oublier les cas de maladies, surtout en période de flambée des cas de paludisme et les grossesses non désirées. La stratégie arrêtée pour diminuer le taux d'abandon scolaire l'an prochain et la collaboration étroite entre les directeurs d'école et les chefs de colline pour qu'une fois l'enfant commence à s'absenter, son cas soit analysé avant qu'il ne soit trop tard. Domuyinga, Dieudonné Nzeimana pour la radio Isanganiro. Merci Dieudonné Nzeimana. Blaise Pascal Misago, directeur provincial de l'enseignement à Muyinga, affirme que parmi les abandons figurent 83 fillettes qui ont été engrossées tant sur le banc de l'école fondamentale. Isanganiro, la radio de l'avenir. Parlons agriculture à présent. Province Saint-Gaudi, tout cultivateur démarré de la province Saint-Gaudi, aménagé par le programme de développement des filières, qui ne paie pas la redevance de 500 francs burundais par parcelle et par an, se verra désormais sa parcelle lui retirée, puis donnée à celui qui est capable. Cela a été décidé ce mercredi dans une réunion des intervenants en la matière, réunion visant l'harmonisation du système de collecte et de gestion de ces redevances destinées à l'entretien des infrastructures construites dans ces marais par le Prodéfi après la fin de ce projet. Cette décision a été prise après le constat de la réticence des usagers de ces marais car sur plus de 40 millions attendus durant les deux dernières années, on n'a même pas atteint 5 millions. Apollinaire Mouzagara. Au nombre de 11, ces marais comptent 57 093 parcelles réparties dans 6 des 9 communes que compte la province Ngozi avant d'être aménagées. Le rendement rizicole oscillait autour d'une tonne par hectare, mais actuellement la production s'est quintuplée, voire plus, de la construction des barrages et canaux d'irrigation depuis 2 ans. Les propriétaires de ces marais se sont convenus de cotiser une certaine somme d'argent par parcelle et par an pour l'entretien de ces infrastructures après le départ du Prodéfi, mais les résultats ne sont pas satisfaisants. Le constat était que la collecte de ces redevances est faite de façon désordonnée et irrégulière. Il a été donc décidé que désormais, tout bénéficiaire doit payer 500 francs par parcelle et par an dans toutes les communes. Et pour celui qui fera désormais la sourde oreille, sa parcelle sera cédée à quelqu'un d'autre qui en est capable. En 2017, seulement 1 587 300 francs bout ont été collectés et 3 367 000 cette année sur 20 900 000 francs bout attendus chaque année. David Ndissabira, coordinateur du Prodéfi dans les provinces Ngozi et Kayanza, demande à la population de s'acquitter de cette contribution afin de pérenniser la grande production rizicole de leur marais et du moment qu'une usine de transformation du riz est en cours de construction en Ngozi. Ngozi, Apollinaire Muzagara, Radio Isanganiro. Merci Apollinaire Muzagara. Je vous l'avais dit en titre, l'équipe nationale burundaise Intamba Murugamba vient d'enregistrer un but à 0 face à l'équipe gabonaise. C'est dans les matchs éliminatoires des pays qui vont se disputer la Coupe d'Afrique des Nations qui se tiendra au Cameroun l'année prochaine. Le Burundi se trouve dans la poule A avec le Gabon, le Soudan et le Mali dans le premier match qui s'est joué au stade Prince-Louis Rwagasore l'année passée. Le Burundi avait battu le Soudan sur le score de 3-0 et il est provisoirement premier dans cette poule avec 3 points. Je vous rappelle que ce but a été marqué par Saido Oberahino, l'international. Et voilà, c'est par ici que va mettre fin cette édition. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Merci également à Erika Dogo pour la mise en nom de l'Inibé Nibigira. Je vous l'ai présenté. Je vous souhaite de passer une excellente soirée. Au revoir. Revue de la presse. Bonjour, bonsoir, selon l'endroit d'où vous nous captez. Dans son éditorial, Iwatch revient sur la décision de fermer le quatrième cycle de 31 écoles et établissements, une décision du ministère de l'Éducation, puisque les 31 n'ont pas obtenu plus de 20% au concours national. Une ordonnance qui a suscité moult réactions. Certains estiment que la mesure va permettre de décourager la culture de la médiocrité, qu'il fallait faire le ménage. Pour d'autres, la mesure est tombée comme un couperet pour les responsables qui disent qu'il n'y a jamais eu de notification officielle, les appelant à rectifier le tir. De même, les parents des élèves qualifient la décision de dictat. Ils s'inquiètent de l'avenir de leurs enfants. L'éditorialiste s'interroge quel est l'avenir de ces enfants et comment en est-on arriver là. Des critères doivent être remplis pour agréer une école, entre autres, le matériel didactique adéquat. Par ailleurs, poursuit notre confrère, le ministère de l'Éducation dispose d'inspecteurs dont la mission principale est de s'assurer que les objectifs fondamentaux du système éducatif sont respectés des hommes de terrain. Il semble donc, poursuit Wachu, qu'il y a eu défaillance au niveau du travail en amont dans l'étude des dossiers d'agrément et d'inspection. Un dialogue s'impose dans l'urgence entre le ministère, les parents et les chefs d'établissement, suggère Iwachu. On casse le thermomètre faute de rabaisser la fièvre du système éducatif. Le journal La Voix de l'enseignant revient également sur cette décision de fermeture du quatrième cycle fondamental. Ceux qui suivent de près le système éducatif burundais font savoir que le ministère concerné s'est attaqué à une manifestation d'un problème au lieu de ses causes. Ils font savoir que ces écoles se démènent seules en tout, que ce sont des écoles dont le recrutement des élèves n'est toujours pas favorable car elles prennent ces derniers de la classe non admissibles dans les autres classes publiques et non pas de meilleurs enseignants parce qu'elles ne peuvent pas les payer convenablement. Et ne se procure pas de manuels scolaires, faute de moyens financiers. Le mien indique que la voie de l'enseignant serait de les aider à surmonter tous ces problèmes au lieu de les punir, estime les spécialistes de l'éducation. Ces derniers s'interrogent où iront les élèves en provenance de ces écoles, car la mesure tombe à la veille de la rentrée scolaire. Revue de la presse. Pourtant, ces écoles n'ont pas ouvert hier, s'exclame la communauté des blogueurs Yaga. Certaines ont même plus de 10 ans d'existence et leur taux de réussite n'a pas bougé depuis des années pour la plupart d'entre elles. Mais comme on dit, poursuit la communauté des blogueurs Yaga, chaque chose a un début et une fin. Il est évident que la ministre de l'Éducation a décidé de faire de l'excellence son cheval de bataille, même si certaines de ses décisions ont fait couler beaucoup d'encre et de salive. Le journal Burundi Echo revient largement sur cette ordonnance en son édition spéciale. La qualité de l'enseignement est au point mort malgré pas mal de réformes qui ont été opérées dans le système éducatif burundais, déplore le professeur Joseph Ndayisaba qui s'est entretenu avec le journal Burundi Echo. Il évoque les causes de cette situation. C'est entre autres une baisse du niveau des enseignants, l'intégration de l'anglais et du kiswahili qui pose problème, la gratuité scolaire qui est à l'origine de la hausse du taux brut de scolarisation, et la massification des effectifs dans les écoles, des crises récurrentes. Des magistrats du parquet de la République à Bururi, accusés de complicité avec les fabricants de boissons prohibées à Bururi, écrit l'agence burundaise de presse ABP. Dans sa parution du 6 septembre, cette agence revient sur une réunion de sécurité de la veille entre le gouverneur et les membres du comité provincial mixte de sécurité où cette question a été largement discutée. Ces magistrats sont accusés de se coaliser pour saboter les initiatives conjointes de l'administration, la justice et la police en vue d'éradiquer complètement la fabrication, la commercialisation et la consommation des boissons prohibées. Le cas récent, poursuit ABP, concerne une femme et son fils originaires de la colline Kiremba en commune Bururi qui ont été relâchés mardi 4 septembre à l'insu du procureur de la République. Ainsi s'achève cette revue hebdomadaire de la presse. Elle vous a été présentée par Mireille Kanyange et Placide Niomungere. Bon week-end chez vous, à la prochaine.